Sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Bulle de Rêve. Un Bulle de Rêve, comme vous l'entendez sûrement à ma voix, enregistré en ce moment même, c'est le carrefour de l'animation au Forum des Images, et donc je suis actuellement même normalement en train d'animer une table ronde sur les secrets de fabrication de la Tortue Rouge de Michael Ludogdevitt. Un carrefour de l'animation qui mettait non seulement donc le réalisateur Michael Ludogdevitt en invité principal, avec des rencontres absolument passionnantes, dont une avec Sébastien Odenbach, qui s'est tenu vendredi de 13h à 14h30. Les deux réalisateurs ont discuté de leur film, de qu'est-ce que réaliser un premier long métrage. C'était assez passionnant, et à la suite, j'ai eu la chance donc de pouvoir avoir pendant une heure Sébastien Odenbach pour parler de son film La jeune fille sans main, qui sort mercredi prochain dans les salles françaises. Je remercie beaucoup le Forum des Images qui nous a permis cette interview. Ça fait longtemps que je voulais absolument avoir Sébastien, en tout cas pour parler de ce film. Il est déjà venu plusieurs fois à Bulle de Rêve, et là on a enfin pu réussir à se croiser. Merci beaucoup évidemment à Isabelle Vanier et Sylvie Porte, qui portent ce carrefour de l'animation à bout de bras. Donc merci encore à elles. Vous allez entendre en deux parties, qui ça fait à peu près 30 minutes chaque partie, et ensuite vous entendrez la deuxième partie de l'interview de Xavier Kawatopor que je vous avais promis, où là Xavier Kawatopor parle du livre, de son rôle plutôt là en tant qu'écrivain sur l'animation, en tant que journaliste sur l'animation, et des deux livres qu'il a pu écrire. Petite chose quand même, c'est que l'interview de Sébastien Odenbach, on fait un peu plus d'une heure uniquement sur son film, forcément dévoile des choses du film. Donc, si jamais vous voulez pas trop en savoir, la première demi-heure ça peut aller, la deuxième demi-heure on parle vraiment là plus directement du film, donc évitez de l'écouter, podcastez-la, gardez-la dans un coin, mais je tenais à faire quand même cette émission ce samedi. Merci beaucoup à Nicolas, parce que si vous m'entendez c'est qu'on a réussi à se passer le fichier de l'émission, mais je tenais à faire ça samedi puisque le film sort mercredi prochain en salle, qu'il a une forte concurrence aussi bien en animation que en blockbuster américain, donc c'est un film courageux, c'est un film intelligent, c'est un film qui à la fois réussit sur un plan narratif mais aussi esthétique, et c'est un film qui est fragile justement à cause de cette esthétique. On n'a pas l'habitude de voir ça en long métrage, donc c'est un film qu'il faut, en tout cas moi je trouve, absolument voir. Une économie très très pauvre, hein, c'est en tout cas pas énorme pour un long métrage, puisqu'on est à moins de 500 000 euros, ce qui est quasiment rien, ce qui est même rien du tout en France pour un long métrage d'animation. Et Sébastien a beau dire tout le temps, mais ce n'est pas un exemple de la manière dont j'ai fait le film, justement ça pourrait aussi devenir un exemple et donner l'envie à plusieurs personnes de faire justement des longs métrages avec des coûts comme ça moindres, et pourtant avec une esthétique et une animation très très belle. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout ça au cours de ces interview, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler peut-être de janvier et tout ça. Allez, Sébastien Odenbach, à plus tard. No more lips, no more cheeks, no more eyes, no more, no more legs, no more neck, no more back. No more, no more breast, no more tongue, no more hands.

foreign legion, somebody to forget. She said I'd find it easier if I had amnesia. Who she was, I do not recollect. I joined the foreign legion to forget. Du travail de Xavier Catoport, c'était une évidence d'écrire à un moment donné sur l'animation. On va parler de ces deux livres, hein, que j'ai devant moi, ou alors est-ce que non, c'était justement ce manque, comme on a parlé en première partie, et tu t'es dit, bon ben, pas grand monde écrit, allez, on va se lancer. Comment ça s'est passé, l'écriture de ces deux livres? Bon, c'est une coïncidence de plusieurs choses. D'une part, depuis plusieurs années, je suis de temps en temps sollicité pour écrire ou des textes dans des catalogues ou des documents pédagogiques, notamment pour le dispositif École et Cinéma, ou des textes pour des revues. Donc il m'arrivait régulièrement de m'intéresser à l'analyse des films d'animation ou au travail sur certains auteurs. Donc ça ne vient pas de rien, hein, non plus, mais c'est vrai que la circonstance particulière de publier des livres est née de façon assez spontanée. C'était un moment où je quittais la direction de l'abbaye de Fontevraud, et donc j'avais un peu de liberté théorique devant moi, parce que là c'est devenu très très rapidement très théorique le temps libre dont je pensais disposer. Mais j'ai croisé donc Thierry Lunas, qui est le responsable des éditions Capricci, on se connaît depuis un certain temps, et Thierry depuis régulièrement avait dans l'idée de me faire écrire sur l'animation. Je ne sais pas trop pourquoi en particulier, mais voilà. Et donc je n'avais pas eu le temps de répondre favorablement. Je lui ai dit, écoute, maintenant si tu veux, d'accord, j'ai un petit peu de temps. Et donc on s'est vu de façon assez spontanée, et je lui ai proposé, je suis venu avec trois idées, en pensant qu'il en prendrait une, il en a pris deux, donc il a fallu faire deux textes, enfin deux projets. Il y a un projet qui, on va dire, qui relève plus, là encore une fois, d'une idée de militantisme, et puis l'autre qui est peut-être un travail un petit peu plus personnel, me permettant d'essayer de pousser davantage des éléments de réflexion autour de l'animation. Alors parlons du premier, qui est le cinéma d'animation en 100 films, donc qui... Alors là, est un travail en effet qui essaye de... C'est bien marqué, hein, dans la préface, ce n'est pas les 100 meilleurs films d'animation tous les temps. C'est 100 films qui ont été choisis. C'est toi et Philippe Moins, donc ancien créateur en tout cas du Festival Anima, ancien directeur. C'est vous deux, vous êtes mis d'un seul coup. C'est du style, tiens, tu fais ta liste des 100 meilleurs films, enfin des 100 films qui te semblaient plus importants, toi aussi, enfin voilà, chacun, puis après on les croise. Comment s'est passé ce choix? Alors, d'abord, l'idée qui semble un peu bateau, et j'ai même un projet un petit peu ballot au départ, je m'en suis presque excusé auprès de Philippe, c'était effectivement de jouer sur la contrainte des 100 films archi connus, mais qui me semblait être pertinente dans la situation particulière du cinéma d'animation, puisque l'une des carences, ou l'un des manques dont il me semblait que l'on souffrait, c'était de ne pas peut-être partagé, en tout cas de ne pas avoir suffisamment travaillé sur quels sont quel est le socle commun de connaissances que l'on peut avoir dans le domaine de l'animation, sur les films d'animation, quelle est cette culture générale que l'on partage, que l'on peut organiser et que l'on peut faire aussi rentrer dans le champ de la cinéphilie. Ces 100 films, je pense que les spécialistes du cinéma d'animation les connaissent par cœur. Les amateurs d'animation en connaîtront un certain nombre, mais pas tous. Et puis je pense que les cinéphiles en connaîtront quelques-uns. Et les films qui sembleront être des évidences pour les spécialistes seront des films totalement inconnus des bons cinéphiles classiques. Exemple, on va dire l'un des films les plus, peut-être les moins contestables de cette sélection, Le Hérisson dans le brouillard de Yuri Narnstein. Pour nous, il fait évidemment aucun... Il n'y a aucune surprise à ce qu'il soit présent dans ce livre, et je sais que c'est l'un des films que vont découvrir beaucoup de cinéphiles qui ne connaissent pas l'animation comme les spécialistes peuvent les connaître. Donc c'était vraiment cette idée-là, c'est-à-dire de réfléchir, de travailler sur une culture générale possible de l'animation, avec tout ce qu'elle a évidemment de subjectif. Et puis le deuxième enjeu, c'était celui de ne pas simplement faire une liste de films, ou pas simplement faire des fiches de films qui raconteraient l'histoire et la biographie des auteurs, mais proposer une approche critique de chacun de ces films, c'est-à-dire, là aussi, avancer ensemble, avec Philippe et puis un certain nombre d'auteurs qu'on a pu inviter, pour une perception, on va dire, une appréhension qui, sans être de la recherche, ce n'est pas un ouvrage de recherche, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais qui se veut introduire des éléments de réflexion, de critique, de comparaison, permettant de resituer ces films et d'expliquer pourquoi il nous semble important que ces films soient importants d'un point de vue artistique ou d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue... on va dire des portes qu'il ouvre, au contraire des impasses qu'ils peuvent constituer, que ce soit des films dont on soit nous-mêmes personnellement passionnés ou simplement que l'on respecte pour leur place dans l'histoire. Alors il y a un casting qui est un peu, pour certains, qui est évident, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on va retrouver qui sont les auteurs spécialistes, par exemple Pascal Vimney va parler de Jan Schwankmeyer, dont il est évidemment l'un des spécialistes, Hélène Nguyen va parler plutôt du cinéma japonais, c'est comme ça que ça s'est fait, ou alors vous avez dit d'abord, toi et Philippe, bah, on peut écrire sur ça, sur ça, sur ça, moi ça m'intéresse, et puis tiens, bah, là, il y a ça, ou non, c'est évident que, par exemple, j'ai dit ça, mais évidemment, Marie-Claire Kikmel, par exemple, grande, grande connaisseuse, évidemment, du cinéma chinois, c'était évident que c'était elle qui devait écrire et pas quelqu'un d'autre. Alors, d'abord, je vais finir de répondre à ta question précédente, parce que j'ai oublié une partie. Donc, pour constituer la liste, en fait, ça s'est fait en ping-pong, j'ai fait Ping et Philippe Pong. On associe aussi Ilan assez tôt dans cette liste. Et en fait, on est tombé assez vite d'accord sur, on va dire, l'essentiel. Après, il y a 2-3 films qui sont des crève-cœur, qui ne sont pas dans le bouquin, qui sont des crève-cœur pour moi, 2-3 du côté de Philippe, mais finalement, on a considéré que c'était pas là où les choses se jouaient. L'important, c'est qu'on était d'accord que ce corpus nous semblait cohérent, voilà, même si un autre est tout à fait possible. Voilà, donc ça, c'est une première chose, donc ça s'est fait de façon assez rapide. Après, notre deuxième souhait, c'était que cet ouvrage soit collectif, et on aurait souhaité qu'il le soit encore davantage, mais à un moment donné, les réalités économiques de l'édition sont telles que multiplier le nombre d'auteurs finissait par payer tout le monde de façon extrêmement dérisoire, et il y a un moment où ça devient déontologiquement pas possible. Donc on a été obligé de réduire le nombre de collaborateurs, enfin de personnes invitées. Alors l'idée, c'était, il y a eu deux idées. Il y a eu à la fois l'idée, effectivement, de se dire qu'il était inenvisageable, par exemple, d'écrire sur Paul Grimaud sans demander à Jean-Pierre Pagliano, c'est-à-dire faire bénéficier le livre, effectivement, de l'expertise, du regard extrêmement précis, pertinent et personnel aussi qu'a Jean-Pierre sur ce livre, et donc sur cet auteur. Donc ça nous semblait évident que ça serait un apport particulier d'avoir la vision d'un auteur qui a une relation particulière avec, avec ses, ce réalisateur. Et puis, on a souhaité faire un rééquilibrage, on va dire, dans le domaine asiatique. Alors là, c'est, très, c'est tout à fait délibéré. Premier rééquilibrage par rapport, on va dire, à ce que l'on traite d'habitude en, en animation, c'est rééquilibrer en donnant davantage de place à l'animation japonaise. Peut-être pas tant à l'endroit où nous, on nous aurait attendu, c'est-à-dire pas tant dans l'aspect contemporain que dans l'aspect plutôt patrimonial des choses, en remontant au, au film cheville de l'animation japonaise, y compris avant-guerre. Et puis l'animation chinoise, qui nous semble être alors là encore vraiment très méconnue. Et donc il y a un aspect assez militant, volontariste, de faire en sorte qu'il y ait une, ce qu'on pourrait penser être une surreprésentation de l'animation chinoise, qui ne semble pas du tout être le cas, mais en tout cas qui, où l'animation chinoise sera, on va dire, est particulièrement bien représentée dans, dans, dans ce livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques textes, alors je vais être très honnête, j'ai pas eu le temps pour l'instant de tout lire, mais où il y a une honnêteté. Alors par exemple, un texte d'Hélène Nguyen sur, sur film de Miyazaki, où une, il peut y avoir des critiques, ou en tout cas des... Voilà, c'est, ce n'est pas qu'un livre, on va dire, à quel point tout le monde est génial, mais même pointer des fois des petites choses que vous aimez moins, ou en tout cas qui paraissent moins intéressantes dans telle ou telle œuvre. Oui, on s'est donné vraiment cette liberté-là, c'est-à-dire de choisir à la fois les films, parce que ce sont des films qui nous semble pouvoir constituer des jalons d'une histoire qui est encore à écrire. Hein, c'est pas un travail d'historien, c'est un travail de, d'arpenteur plutôt. Et donc on s'est évidemment toujours permis de, d'apporter ce regard critique avec cet aspect subjectif. Et Ilan est sans doute parmi les différentes plumes la plus libre sur ce plan-là. Et je le respecte tout à fait. Je trouve que c'est vraiment très bien. C'est que Ilan, à plusieurs reprises, hein, a abordé les films dont il parle de façon critique, en remettant en cause un certain nombre des fondements de ses œuvres. Ça, c'était vraiment pour nous important, tout en se disant à chaque fois qu'il est important de dire aussi pourquoi ces films étaient dans ce livre, c'est-à-dire pourquoi ils pesaient d'une manière ou d'une autre dans ce panorama. Alors, moi, quand je regarde la liste, ce serait très facile, évidemment, de pouvoir dire « Ah oui, mais il manque ce film, comme tu disais, il y a forcément des films qui manquent, mais il y a deux choses qui m'ont marqué. » Peut-être, voilà, c'est un, le peu de films réalisés par des femmes. Alors, en plus, il n'y a pas Joanna Quinn, ce qui fait qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, mais c'est finalement très, très peu de femmes dans le monde de l'animation jusqu'à présent. C'est bien que là, on le voit encore avec la résidente, on le voit avec les étudiants, enfin, il y a de plus en plus de femmes, mais ça reste encore assez faible quand on voit cette liste. Oui, alors on n'a pas du tout travaillé avec une logique de quota quelconque, ni que ce soit vis-à-vis de des auteurs féminins ou masculins, des provenances géographiques, des techniques, etc. Il n'y a pas eu de balayage de cette manière-là, même si on a essayé de donner une cohérence ensemble. Je pense que selon le livre témoigne, c'est effectivement d'un phénomène réel, hein, qui est que les femmes ont été singulièrement absentes de la production cinématographique en général et en animation en particulier jusqu'à ces dernières années, qu'il y a effectivement des grandes réalisatrices qui sont représentées, mais qu'elles restent encore très peu présentes dans ce livre. Et effectivement, cela va à contrario de la tendance que l'on voit au contraire extrêmement affirmée dans la très jeune création, très jeune génération, où au contraire les femmes sont très présentes dans l'animation aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui fait partie de l'histoire. On peut imaginer que un tome 2 dans quelques années avec beaucoup plus de films de femmes. Pourquoi pas, ça serait bien, évidemment. Voilà, alors après, bon, il va falloir, si on fait le même, si on fait un tome 2, il va falloir attendre 100 ans quand même. Donc, je ne sais pas dans quel état nous serons. Deuxième chose, moi, qui m'a marqué en regardant la liste des 100, c'est qu'en effet, on est beaucoup sur... Et alors ça, c'est l'une des choses évidemment intéressantes du livre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de rester que sur du long métrage, donc il y a du long et du court, voire même, allez, l'apparition, pas de beaucoup, mais de séries télé. Mais quand même, quand on regarde, en effet, on est sur beaucoup de courts-métrages avant, et à partir des années 80, le long métrage prend plus de place. Ça, c'est quelque chose qui vous a... marqué, enfin, qui vous a, quand vous avez fait la liste, ou pas forcément, c'est pas... Eh bien, cette question-là est apparue en cours de route et on l'a débattue et tranchée assez rapidement. C'est-à-dire que quand on a commencé à poser la liste des films dont on voulait parler, on s'est rendu compte qu'il y avait des courts et des longs métrages. On s'est rendu compte aussi que les films contemporains qui étaient marquants devenaient davantage des longs métrages, tout simplement parce qu'il y a un enjeu de production, de diffusion plus important actuellement. À un moment donné, on s'est posé la question pour la forme de savoir est-ce bien raisonnable de mettre des courts et des longs métrages, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être que sur du court ou sur du long, et très rapidement, il nous a semblé que ce n'était pas du tout pertinent, que l'important c'était justement la place des œuvres, et on le sait, le court métrage a été et peut-être encore une forme extrêmement privilégié par l'animation. Il est impossible de parler de l'évolution de cet art en ne parlant pas de court-métrage jusqu'aux années au moins 80 voire 90, et encore aujourd'hui les belles réussites notamment des films de Schwitz-Gebel, Toca Fondo et encore des générations actuelles se situent dans le domaine du court-métrage. Mais c'est vrai que oui, depuis les années 90, fin des années 80-90, le long métrage commence à devenir un horizon beaucoup plus, présent dans la production animée. Il y a quelque chose d'important dans le livre aussi, c'est que ça se veut être un livre qui met les images en avant aussi. C'est-à-dire qu'il y a les textes, on l'a dit, les textes se veulent même critique, en tout cas réfléchi, une réflexion sur les films, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un peu entre deux, c'est-à-dire que ça peut être un livre aussi qui est un beau livre, on va dire, dans une collection pour aussi feuilleter, se dire, ah oui, c'était ce film-là, et Jean-Christophe Perrier disait, c'était intéressant, donc quelqu'un évidemment d'important et qui défend beaucoup l'animation, il disait que dans une petite critique, qu'en effet, en voyant cette liste, il y avait des fois où des photos, tiens, je ne me rappelle pas de ce film-là, ou tiens, ce film-là m'intéresse, je vais le voir, et que même c'est que s'il en manquait, le choix quand même lui donnait, puis le livre en lui-même lui donnait envie d'en voir d'autres. Oui, j'ai lu cette critique de Jean-Christophe Perrier, et je la trouve intéressante, parce que effectivement, la critique se termine sur une liste de films qu'il aimerait revoir et qui ne sont pas dans le livre. Et évidemment, c'est ce à quoi appelle ce livre. Encore une fois, c'est pas un palmarès personnel, c'est pas mes 100 films préférés, c'est pas les 100 films préférés de Philippe, c'est pas un palmarès personnel ni collectif. Mais par contre, c'est un panorama dont l'objectif final, c'est de donner envie, alors à la fois aux très grands connaisseurs que sont des gens comme Jean-Christophe Perrier, mais aussi un public plus néophyte, d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, voilà. Et c'est vrai que l'aspect iconographique nous a semblé important, parce que justement, c'est pas un ouvrage de recherche, on ne s'adresse pas qu'aux spécialistes, on n'est pas dans l'autre soi de l'animation. Donc il était important de pouvoir aussi mettre des images, même si elles sont fixes, sur ces films dont on parle. Et aussi de jouer tout simplement d'un appel du connu vers l'inconnu. On feuillette le livre, voilà, on se croit pas spécialiste du cinéma d'animation, on dit j'y connais rien. On ouvre le livre, on le feuillette, on se dit ah bah oui, l'étrange Noël de Mr. Jack, je connais. Ah bah oui, Roger Rabbit, je connais. Ah bah oui, Toy Story, je connais. Et finalement, on relit ces choses ensemble, en se disant, bah oui, tout ça, c'est du cinéma d'animation. Et puis, j'ouvre une page et je me dis, ah bah oui, qu'est-ce qu'on peut dire, Toca Fondo, dont on parlait tout à l'heure, je ne connais pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'inciter le passage du connu vers l'inconnu ou le moins connu, dans l'idée de ne pas décourager un public néophyte, mais au contraire, de l'accompagner vers ce qu'il ne connaît pas. Ça, c'était vraiment extrêmement important pour nous. C'est important pour toi, depuis qu'on parle de à la fois de la Nève, de Fontevraud, de ça, le travail quand même en équipe, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont autour, de se nourrir peut-être de gens. On a parlé d'Ilan Nguyen, on parle de Philippe Moins, mais évidemment tous les gens, Michael Dudoc-de-Vide qui était là, Florence Millaille, ça c'est pour toi, c'est quelque chose qui a été important, c'est depuis toutes ces années pour lesquelles tu, voilà, une vingtaine d'années, tu défends le cinéma d'animation, c'est quelque chose qui nourrit énormément. C'est indissociable. C'est indissociable, tout simplement parce que, bon, d'une part, c'est même pas pensé, c'est même pas réfléchi, mais je pense que les connaissances sont faites pour être partagées. Voilà. Ce que je connais de l'animation, je l'ai appris obligatoirement toujours de quelqu'un qui m'a montré un film, qui m'a parlé d'un titre, qui m'a passé un bouquin. Voilà. Donc on est des passeurs. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer dans ce passage-là et d'être reconnaissant à ceux qui sont ces passeurs. Voilà. Moi, des personnalités dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi René Laloux a pour moi joué un rôle extrêmement important, même dans le peu de temps que là je l'ai connu. C'est quelqu'un qui effectivement avait cette générosité dans la connaissance, dans les partis pris, dans les colères, mais qui effectivement permettent de se forger une exigence, en tout cas dans son approche de l'animation. Voilà, donc je ne sais pas travailler autrement que collectivement, d'une certaine manière. Sur ces enjeux-là, en plus la tâche est extrêmement vaste et voilà, j'ai toujours tendance à considérer qu'on est plus malin à plusieurs et qu'il faut effectivement accepter la diversité, les divergences, mais que effectivement les tâches comme celles que l'on s'assigne les uns les autres, c'est-à-dire de mieux faire connaître le cinéma d'animation, ne peuvent pas s'exercer en dehors d'un jeu collectif. Alors, collectif, on l'a donc dans tout ce qu'on vient de dire, comme tu disais, dans les textes que tu as pu écrire, mais c'était souvent pour des festivals ou dans le cadre de ces dispositifs d'enseignement de l'image. Et donc là, espèce de camarade du plus gros de cinéma d'animation en son film, on a quelque chose qui est peut-être l'un des premiers ouvrages, on va dire, là vraiment, signé Xavier Kawatopor, qui est plus un travail, comme tu disais, personnel, qui est une envie plus personnelle en fait de faire. Alors on est dans du, il n'y a pas d'image, on est dans un petit format, 9 euros alors que l'autre est 30, on est vraiment dans deux choses complètement différentes. Ça, c'était vraiment quelque chose auquel tu disais, c'était l'un des trois projets que tu avais proposé, quel tu tenais, c'était quelque chose qui a germé depuis un bout de temps. Oui, enfin non, qui était plus spontané, on va dire. Autant l'autre, c'est quelque chose qui germait depuis longtemps, j'avais d'ailleurs à un moment donné pensé qu'on pouvait le faire très collectivement à travers d'abord l'ouvrage sur les 100 films aurait pu se faire à partir d'un, comme ça s'est fait au Japon d'ailleurs, à partir d'un sondage auprès d'un certain nombre de personnalités, et on aurait abouti, alors cette fois-ci plutôt un palmarès sans doute qu'un panorama, mais ça me semblait aussi intéressant de se dire, bah tiens, on associe largement la profession à Annecy ou ailleurs et on fait des statistiques, on permet de faire en sorte que la profession s'exprime sur c'est quoi les 10, 20, 30 ou 50 films ou 100 films importants. Donc on aurait pu faire comme ça et puis finalement, voilà, les choses se sont faites différemment. Mais c'était une idée en tout cas mûrie, ce manque qui me semblait être celui de ce type d'ouvrage qui encore une fois ne redouble pas le travail érudit qui est celui d'autres spécialistes qui proposent des sommes comme évidemment Gian Alberto Bendasi qui est notre maître à tous, mais aussi des auteurs plus d'une autre génération comme Sébastien Denis, comme Olivier Cotte, qui sont aussi des constructeurs d'histoire de l'animation, ou Sébastien Roffa sur des aspects plus précis de l'histoire de l'animation. Donc encore une fois, on n'est pas dans ce type d'ouvrage, on est dans autre chose qui est une utilité, on va dire, davantage cinéphilique. Le petit bouquin, il est né de façon beaucoup plus spontanée, c'est-à-dire d'une envie de poser un cheminement de réflexion finalement assez modeste, mais qui me semblait important de pouvoir exprimer par écrit sur l'idée que je me fais d'un certain nombre d'enjeux de l'animation, hier et aujourd'hui, et de le faire à travers, alors bon, ça paraît dans une collection qui je crois qui s'appelle les essais critiques, enfin qui est de nature critique, moi je parlais plutôt de petits pamphlets plutôt que d'essais critiques, parce que je suis ni critique ni essayiste, mais il y a effectivement un aspect on va dire, un petit peu hardi dans la façon dont j'aborde parfois la question, sans doute des fragilités d'un point de vue méthodologique ou des érudition, mais j'ai voulu effectivement plutôt agiter un certain nombre d'idées, de réflexions autour de l'animation, dans ce qui semble le rapport à la fois le plus paradoxal et qui me semble le plus fondamental, c'est la relation de l'animation au réel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est presque dans une réflexion chronologique, pas complètement, parce qu'il y a des fois il y a des retours dans le passé, des retours sur le futur, mais il y a cette idée-là. Et donc, en effet, de partir sur chimère, fantasmagorie, et on sent une liberté. C'est-à-dire que fantasmagorie peut y avoir, je sais pas, taxidermie peut avoir 2 pages, j'ai pas tout, mais un autre peut prendre 4 pages, un autre 1 page. On n'a pas l'impression qu'il y a une obligation de se dire « Ah, tiens, tel thème, il faut absolument que je fasse, enfin, autant de pages, etc. » Il y a une vraie liberté, je reviens sur ce mot. Je l'écris vraiment en marabout de ficelle. C'est-à-dire que j'ai commencé... Alors, moi, je suis historien de formation. Je ne suis pas historien du cinéma d'animation, mais je suis médiéviste. Mais donc, ma formation, c'est l'histoire. Donc, je ne sais pas faire vraiment autrement que d'aborder... ma pensée chemine souvent de façon historique et chronologique. Voilà, donc effectivement, cheminer en pensée sur le cinéma d'animation, je suis obligé de partir d'Émile Kohl. On pourrait partir de plus loin, hein, mais en tout cas, c'est un point de départ possible. Donc effectivement, pour beaucoup, ce cheminement est chronologique, si ce n'est historique, et il s'est écrit... j'allais dire sans construction préalable, c'est-à-dire une idée engendrant ou poussant l'autre. Voilà. Et donc il y a parfois des idées qui sont développées sur effectivement un nombre de pages plus important parce que tout d'un coup la matière du cheminement de ma pensée, enfin, le cheminement de ma pensée était plus long ou nécessitait davantage de temps. Et puis parfois c'est beaucoup plus bref parce qu'effectivement c'est plus un instantané. Une réflexion plutôt qu'une pensée. Parfois, et il y a même des éléments qui peuvent sembler, il y a, je crois, une ou deux occurrences, des éléments qui peuvent sembler complètement hétérogènes au cinéma d'animation, des références littéraires, qui pour moi font sens, dans une forme de collage, qui pour autant ne sont pas reliés, on va dire, en termes de problématiques, directement au sujet. Alors c'est toujours un peu embêtant de faire des compliments à quelqu'un qu'on interviewe en direct, mais c'est vrai que ce que j'ai apprécié, en tout cas moi, dans le livre, c'est qu'on est à la fois dans un travail, on pourrait dire, d'érudition, et à la fois, alors on n'est ni dans l'érudition trop poussée qui fait qu'on lâche des fois le livre en se disant, ou alors en tout cas, en se disant, c'est pas évident, là, il faut que je me reprenne. Et on n'est pas non plus dans un travail de vulgarisation trop facile. On a l'impression, voilà, comme tu dis, on peut avoir des réflexions sur la littérature. Il y a toute une page où, en effet, on est plus sur la littérature. Il y a plus. C'était important pour toi, finalement, de pas. D'être entre. On parlait tout à l'heure, hein, hors micro, mais où on se situe. C'est-à-dire, est-ce qu'on est passeur, est-ce qu'on est vulgarisateur, etc. C'était aussi l'idée de se dire où toi tu te situes dans cette dans ce jeu-là, entre guillemets. C'est une très bonne question et ma réponse va être assez catastrophique parce que je ne sais pas du tout où je me situe. Voilà, et je pense que ce petit ouvrage personnel et assez spontané témoigne sans doute un petit peu de ça, c'est-à-dire que je dis ce que ça n'est pas, ni un essai, ni une pensée critique, et à la fois effectivement ça n'est pas non plus un que sais-je, ça n'est pas non plus... voilà, c'est un objet un petit peu étonnant, sans doute, voilà, qui peut à mon avis à la fois autant séduire que peut-être hérisser sur un certain nombre de points, qui appelle sans doute beaucoup de contradictions. Moi, ce qui m'a semblé utile, et là c'est pour ça que j'ai dit que c'est plus personnel, c'est une utilité plus personnelle, c'est de pousser, finalement, me pousser dans mes propres retranchements, me pousser ma pensée d'une certaine manière, voilà. De façon, encore une fois, assez libre, qui me semble logique, qui me semble aller vers quelque chose, vers une certaine idée, enfin qui me semble, dont me semble se dégager une certaine idée du cinéma d'animation. Et Ce qui m'intéressait, c'est que j'avais l'impression, on va pas tarder, on pourrait évidemment prendre plus de temps, mais un peu comme le livre de Marcel Jean, Le langage des lignes, c'est-à-dire des fois de lire et de me dire, oh non, mais là je suis pas complètement d'accord, et de vouloir pouvoir te répondre et pouvoir se dire tiens, et d'avoir presque une discussion finalement. J'ai presque pris ce livre, en tout cas, alors peut-être moi qui connais un petit peu plus l'animation, voilà, je dis à plein de gens de pouvoir l'acheter parce que je pense que c'est un bon début, c'est une bonne base comme Le langage des lignes pour d'un seul coup pour dire ok, on s'assoit et est-ce qu'on est d'accord avec ça et pas d'accord et, Voilà, je pense que là tu mets le doigt sur ce qui me semble être l'utilité de ce livre. J'espère qu'elle en a deux, c'est-à-dire à la fois d'être un élément de discussion sur le cinéma d'animation pour dire aussi et participer à dire, je ne suis pas ni le premier ni le seul, qu'il faut discuter du cinéma d'animation, mais y contribuer. Et puis la deuxième chose, c'est aussi peut-être créer davantage d'envie chez des éditeurs de poursuivre et de faire en sorte que cette... Mon ambition n'est pas de faire a priori d'autres livres sur l'animation, sauf si il y avait tout d'un coup une nécessité qui m'est aujourd'hui absolument pas visible. Mais par contre, j'aimerais que effectivement cet essai, dans le sens de cette tentative, puisse être suivi d'autres. On sent qu'il y a une envie de critique à des moments donnés, et celui qui s'en prend un peu plus, c'est bien sûr l'Empire Disney, hein, avec des choses, mais ce ne sont la coripeau sous lesquelles l'industrie disneyienne distillera pendant plusieurs décennies dans le champ de la culture populaire de masse, sur laquelle elle règnera quasiment sans partage une idée totalitaire du merveilleux. Il y en a une autre, il y a quelques passages comme ça où on sent que l'Empire Disney s'en prend un peu pour son grade. Est-ce qu'il y avait des envies, des fois, justement, d'aller un peu plus sur quelque chose, pas de polémique pour la polémique, mais justement de montrer que, qu'on peut prendre position aussi dans le monde de l'animation? Oui, à la fois, c'est la chose la plus facile qui soit, et peut-être un peu trop partagée. D'ailleurs, j'ai presque un peu regretté après en me disant, ça, c'est un peu facile de s'en prendre à Disney, et ça ne montre pas un courage ni une pertinence particulièrement... particulière, mais non, ce qui est au-delà de la question de... C'est pas tant Disney que je mets en cause, d'ailleurs, que finalement la norme, qu'elle soit disneyienne ou pas, finalement, peu importe. Les prêts-à-penser et les formatages. Dans cette industrie formatée, il y a, comme dans d'autres industries formatées, des vrais champs de créativité, des vrais grands artistes, des vrais... Voilà, c'est... Encore une fois, on va vite lorsqu'on écrit ça, et on va droit au but. Ça ne veut pas dire que la nuance n'existe pas par ailleurs, hein. Et notamment d'ailleurs ce que j'ai pu écrire dans les 100 films sur... C'est moi qui me suis chargé de l'article sur Blanche-Neige. Il me semble pas être aussi au vitriol qu'on pourrait le croire. Donc c'est pas tant ça, effectivement, que d'essayer de ne pas être dans une approche, on va dire, simplement illustrative du cinéma d'animation où tout se vaudrait et où on ne parlerait que de la forme et de la technicité, que de dire que derrière ces formes il y a des idées. Voilà. Des idées et donc des éthiques qui sont là. Je citais tout à l'heure René Laloux. Pour moi, l'un des livres les plus stimulants, même s'il est d'une subjectivité absolument assumée, mais je trouve qu'il reste un livre extrêmement intéressant pour penser le cinéma d'animation, c'est le livre que René Laloux a fait, qui s'appelle « C'est le dessin qui bouge », qui est évidemment est largement supplanté par toutes les études historiques et esthétiques que l'on peut imaginer, mais sur la réflexion de quelqu'un qui à la fois avait une vraie connaissance beaucoup plus importante que la mienne sur le cinéma d'animation, et un vrai point de vue sur le cinéma d'animation, c'est-à-dire un vrai critère qui sont les siens, mais qui sont assumés pour savoir pourquoi tel film, je le défendrai mordicus, pourquoi tel autre film ne m'intéresse pas, je crois que ça reste exemplaire. Et ce que j'ai essayé de faire, d'une certaine manière, c'est mon petit Laloux à moi-même, c'est-à-dire essayer de me poser moi-même la question et de la faire partager, pourquoi tel cinéma d'animation, telle forme, telle hauteur me semble intéressant, pourquoi je l'apprécie, pourquoi tel autre ne m'intéresse pas ou ne me semble pas aller aussi loin que tel autre. J'ai bien dit l'Empire Disney, donc ce n'était pas en effet une critique forcément par rapport à des films, mais bien en effet un studio qui finalement ne répond plus à ce qu'il a pu mettre en place à un moment donné, en tout cas ce qui pouvait être intéressant. Allez, dernière question qui paraît une évidence. Toi, s'il y a un ou deux films, on n'est pas, mais qui serait... Voilà, tu as quelqu'un qui vient en face de toi et qui te dit « moi, je connais rien d'animation, ça ne m'intéresse pas ». Tu leur dirais quoi de regarder? Tu parlais de Nordstein tout à l'heure, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des choses ou non, des choses plus personnelles ou des choses... Comment tu aborderais sur très peu, sur un angle vraiment très très fermé en disant « moi j'ai pas envie de regarder ça, montre-moi un court-métrage si tu veux et on voit si jamais ça marche ». J'en serais sans doute assez incapable. Je pense que ça dépendrait évidemment de la personne que j'ai en face de moi et de la discussion qui s'articulerait entre nous. Non, moi j'ai on va dire certaines réminiscences comme ça qui font qu'il y a des films qui me semblent importants et que j'aime, j'allais dire au-delà du raisonnable, c'est-à-dire des films auxquels je suis attaché. Quelle que soit leur importance ou non-importance dans l'histoire. Donc, et finalement, mes attachements vont à des choses sont très partagées par beaucoup d'autres cinéphiles. Et puis, les choses bougent aussi dans le temps, c'est-à-dire que je crois que les goûts, la sensibilité évolue aussi avec le temps, avec la culture que l'on a, avec... l'âge que l'on a, avec les gens que l'on rencontre, voilà, donc ça évolue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis de manière générale vraiment de plus en plus attiré par les choses qui peuvent sembler les plus évanescentes, et les plus fragiles, a priori, et aussi les plus aériennes, d'une certaine manière, donc voilà, si je réfléchis rapidement dans les 100 films dont on parle, aujourd'hui, je continue à aimer par-dessus tout La Joie de Vivre, c'est tout simple, mais pour moi c'est un film qui me correspond, on va dire. Et puis il y en a un autre, qui est La Chasse au Renard, des mêmes auteurs que j'adore presque tout autant. Voilà, ce film-là me semblerait important. L'Enfant Invisible est un film d'André Lindon qui me touche aussi tout particulièrement, qui me semble être de la poésie à l'état pur. Et puis évidemment... Les grands films de Takahata, tous les films de Takahata sont des grands films, mais notamment sont La Princesse Kaguya, qui n'est pas dans le livre, puisqu'on en a choisi deux autres de Takahata, et pour moi, l'une des très grandes dernières expériences cinématographiques. Voilà, donc émission Bulle de Rêve pour décembre terminée. Vous avez entendu et Sébastien Lodenbach et Xavier Kawotopor nous parler à la fois donc de La Jeune Fille sans Main pour le premier et de ses livres pour le second. C'était Franck Zappa, c'est Laetitia Sheriff, les Free Blind Mice et Divine Comedy qui nous accompagnaient au niveau de la musique. A priori, pas de générique, Nicolas, je te laisse faire, mais comme d'habitude, même quand c'est enregistré, il n'y a pas de générique, et oui. Et nous, on se retrouve, je pense, début janvier pour la prochaine émission qui sera un débat critique autour des films de l'année, et on va essayer de vous donner envie de regarder certains films et de vous décourager d'en regarder d'autres. Mais voilà, on essaiera de trouver aussi ce qu'il y a sur Internet pour pas uniquement avoir une discussion entre nous de films qu'on aurait vu en festival, mais essayer de vous... donner l'envie d'aller cliquer sur des vidéos directement sur YouTube. Et ben écoutez, bonne fin d'année, et puis on se retrouve, j'espère, donc très vite en janvier. Bye bye.